le méga plein air show avec Yves Laroche sur CGIT FM. On poursuit donc notre émission spéciale à l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Et puis là, on est avec un stagiaire. C'est sa deuxième année à l'Académie de pêche. Son nom, c'est Jacob. Il a 14 ans. Jacob, tu viens de quelle région? Je viens d'un banlieue de Montréal à l'Assomption. OK. T'es un passionné de pêche, toi? Ouais, j'adore ça. Explique-moi donc. C'est comment est venue l'idée de participer à ta première année, l'an passé, à l'Académie de pêche? Ben en fait, j'ai été au salon de chasse et pêche à Montréal. Mm-hmm. Et puis, je cherchais un camp que je pourrais faire et que je pouvais me permettre là, de payer. Fait que je visitais, là. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé cette académie-là. J'avais trouvé ça amusant, là. Je trouvais ça avait de l'air fun. Puis, j'y ai été. Comment t'as convaincu tes parents de participer à l'académie de pêche? Ben, mes parents ont embarqué tout de suite. OK. Est-ce qu'ils sont pêcheurs, eux autres aussi? Non. Non, du tout? Non, rien que moi. Ah, oui. Ça, je suis surpris. Mais je comprends que beaucoup de gens de la région de Montréal n'ont pas l'opportunité, comme ceux qui demeurent en région, comme moi en Estrie, hein, dans la région de lac Mégantic, ouais, de pouvoir justement aller facilement dans des secteurs où il y a des beaux plans d'eau, mais aussi trouver quelqu'un qui peut te montrer ça. Dis-moi, ta première année, là, l'Académie de pêche, là, c'est quoi que ça t'a apporté le plus? Ça m'a apporté de plus de techniques pour pêcher et mieux trouver le poisson. Ça m'a permis de pouvoir analyser l'environnement des poissons et l'habitat, surtout, mm-hmm, pour être capable de mieux pêcher des poissons. C'était quoi ton meilleur moment? De l'année passée. C'est ça. C'était la première carpe que j'ai prise. Ah ouais? Oui. C'était la première fois que je prenais une carpe. Et j'en ai pris une très combative. Elle avait faim, puis je ramenais un mètre de corde, puis elle en prenait quatre. Hey, c'est toute une pêche, ça, hein? Ouais. Aujourd'hui, c'était ma première expérience de pêche à la carpe. Bon, je pêchais pas, j'observais, parce ouais, que faut que j'apprenne comment ça fonctionne, tu sais, avant de me lancer un jour. Puis j'ai été vraiment impressionné. Je vais te dire quelque chose là de toute l'attention que vous autres vous portez. Premièrement, après avoir ferré le poisson, le combat avec le poisson. Après ça, le moniteur Salade a puisé le poisson. Ouais. Là, on s'occupe du poisson là, hein, pour qu'il soit dans un environnement sur un tapis que de l'eau. Ouais. Après ça, bon, la fameuse remise à l'eau, c'est un poisson qui est assez pesant. Ouais. Aujourd'hui, tu en as capturé un? Oui, j'en ai pris un de 30 livres environ. Hey, ça n'a pas de bon sens. Oui. C'était-tu ton plus gros? Oui. À vie? Plus gros poisson non, à vie? Non. J'ai pris un Humber Jack. Ah, ouais. De 40 livres environ. Où t'as capturé ça? C'était aux États-Unis. Ah, ouais. Ça, c'était des vacances avec ta famille? Oui. Wow! C'est quelque chose. Tu sais, que moi, j'ai pas capturé ça là, dans ma vie de pêcheur, là, pis ça fait assez longtemps. Je suis même jaloux de vous autres. J'aimerais ça qu'Alec m'inviterait plus souvent parce que je pense que j'y prendrais goût puis j'aurais beaucoup de plaisir avec toutes vous autres. Dis-moi, là, c'est ta deuxième année. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le groupe là, que tu connaissais déjà? Oui, Samuel. OK. Oui. Et puis, est-ce que tu crois que l'an prochain, tu vas revenir pour une troisième année consécutive à l'Académie? Je pense bien que oui. Ouais? Ouais. Admettons là, que d'autres jeunes de ton âge là, qui sont des passionnés de pêche, des jeunes garçons, des jeunes filles, là, est-ce que toi, tu les encouragerais à participer comme tu as fait? Oui, vraiment, parce que c'est un camp extrêmement amusant. C'est tout le temps de l'action, toujours à pêche. C'est vraiment le fun. Puis, je sais que tu es encore jeune, là, mais toi, plus tard, là, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Non. Mais tu vas continuer à pêcher. Oui, c'est sûr. Tu es un passionné, un vrai? Oui, oui. Ben Jacob, on te remercie beaucoup d'avoir discuté avec nous autres au Méga Plein Air Show. Puis on te souhaite le meilleur deuxième camp de pêche à l'Académie comme tel. Puis t'as un poisson encore plus gros que celui que tu as capturé avec moi ce matin. Ouais, c'est bon. On te remercie beaucoup. Ouais. Et puis on te souhaite des bonnes vacances cet été. Merci, vous aussi. Alors, c'était notre entrevue en compagnie de Jacob. Ne quittez pas. On poursuit le Méga Plein Air Show dans quelques secondes.